On va te bousiller la gueule, un vieux tas de merde. Je vais te bouffer ton accordéon par le cul à moi. Laisse-toi la brie, va. Aidez, va. Va faire ma chambre avec moi. Défie-toi. T'es prévenu.